Le premier pas de l'homme en Amérique susciterait-il plus d'intérêt que celui sur la Lune ? Très probablement, car si l'on sait tout de l'un, on ne sait rien de l'autre. Pour preuve, la conquête de cet immense continent reste un sujet de vives polémiques, de débats idéologiques. Si le détroit de Bering est toujours le meilleur vecteur de l'introduction de l'homme en Amérique, certains ont émis quelques hypothèses truculentes, avec notamment le franchissement du Spitzberg, la migration de populations franco-cantabriques de culture solitréenne, modèle désormais dénommé French Connection, mais aussi l'arrivée de populations polynésiennes ou austronésiennes via l'Amérique du Sud. La découverte d'une poule d'origine asiatique est antérieure aux caravelles de Christophe Colomb, a voici peu fait naître quelques brefs espoirs au tenant de la théorie. Toutefois, le débat ne s'en arrête pas là. Pour y voir plus clair, pour nous raconter ses toutes dernières découvertes, Éric Boïda, bonjour. Bonjour. Préhistorien, professeur à l'Université de Paris 10 et à l'Institut universitaire de France, incontournable spécialiste de technologie lithique, on vous a vu fouiller dans les pas de Néandertal en France ou en Syrie, passer par la Chine pour mieux atteindre aujourd'hui l'Amérique, le Brésil. Mais commençons ce salon noir par manger notre pain blanc. Dans un monde où l'histoire tient peu de place, racontons celle de grands chasseurs. Une histoire belle et simple, il y a 12 000 à 13 000 ans. Éric Boïda. Oui, les populations que l'on nomme Clovis, c'est un nom d'ailleurs très français, mais il ne faut pas y chercher de rapport avec la France. C'est une période qui se caractérise par des objets qui sont très très beaux. Très très beaux. Et c'est pour ça, c'est leur beauté qui a effectivement fasciné les premiers archéologues et qui a suscité cette espèce d'engouement pour cette période dite de Clovis. Clovis, ce serait pour certains chercheurs, en tout cas nord-américains, le début de l'occupation humaine en Amérique du Sud vers 12 000 ans à peu près, un peu plus tôt vers 11 000 ans. Mais cette population, aussi bizarre soit-il, elle est surtout située à l'est, au sud-est, et avec peu d'extension vers l'ouest et encore moins d'extension vers le nord. Mais ça se comprend parce qu'il y avait à cette époque-là beaucoup de glace et donc il était impossible d'y vivre. Donc en réalité, ce n'est pas forcément la plus ancienne parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le paléoaméricain archaïque qui est une industrie qui est contemporaine et qui se trouve, elle, plutôt sur la côte ouest et qui n'est pas du tout faite de ces belles pointes de Clovis. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Voilà, c'est une histoire, en fin de compte, de regard. Depuis 1920, voire 1930, nous voici devant un véritable dogme en Amérique, caractérisé donc par ces pointes de jet très caractéristiques et dénommées pointes de Clovis. Il faut dire qu'elles sont vraiment très belles, mais on ne connaît rien d'autre. Alors, pour les auditeurs, une pointe de Clovis, imaginez-vous une feuille de laurier. C'est un objet bifacial, très fin, qui peut atteindre entre 7 et 15 cm de long sur 2 cm de large à 5 cm et d'une épaisseur ne dépassant pas les 5 à 7 mm. Donc c'est déjà un bel objet et souvent fait dans des matières, des obsidiennes ou des chalcédoines ou des silex très jolis. Donc ça, c'est l'objet qui a servi comme pointe de flèche, comme pointe de lance et voire même comme couteau. Donc c'est un objet polyvalent. Et à côté, en fin de compte, on ne connaît pas grand-chose. Et parce que les gens se sont peu intéressés à la technologie lithique en général et puis c'est des pièces moins jolies. C'est des pièces qui sont faites sur des lames. Et si vous êtes européen, au contraire, vous allez vous intéresser à ces objets-là et pas forcément uniquement aux très belles pièces. Voilà, on est dans une construction. Les chasseurs de pointe de culture Clovis sont des chasseurs de bisons et de grands gibiers. Une image quelque peu valorisante et qui débouche sur le paléo-indien, ancêtre ou non d'ailleurs des Indiens actuels, ou du moins de leur représentation. Voilà. Oui, voilà, je veux dire, c'est les sites où on a retrouvé des pointes de Clovis et puis la période d'après qu'on appelle Folsom, on les a retrouvées dans des carcasses de bisons et on s'est imaginé ces Amérindiens en train de tuer des vastes troupeaux de bisons. Mais bon, regardez ce qui s'est passé pendant la période indienne. Ils n'ont jamais exterminé la totalité des bisons. Il y en avait encore. Donc, c'est leur donner une image de destructeurs, d'exterminateurs. Oh, pas du tout. Je veux dire, c'est des gens qui, j'imagine, géraient le potentiel alimentaire. Voilà. Donc c'est. Et puis après, on les a accusés, ces chasseurs, d'avoir été responsables de la disparition de la mégafaune en général. Et on se rend compte que c'est des problèmes d'environnement et rien d'autre. Climatique. Ouais. L'histoire et la préhistoire de l'Amérique pourraient s'en arrêter là. D'ailleurs, le Salon Noir aussi. Faisons donc un premier constat. L'homme, certainement moderne, est bien présent en Amérique il y a 11, 12, 13 000 ans au sein de la communauté savante de par le monde. Tout le monde est d'accord et tout le monde convient qu'il est rentré par le détroit de Bering. Alors, jusqu'à très récemment, c'est vrai qu'il y avait énormément de débats pour la période 11 000, 12 000. Bon, maintenant, nos collègues d'Amérique du Nord acceptent sans aucune contrainte la période de 15 000. Pour l'Amérique du Sud, ils sont encore un peu plus réticents dans la mesure où ils y travaillent peu. Autrement, pour l'origine, oui, je pense qu'il y a un consensus actuellement qui se fait. C'est des populations qui viendraient donc de l'Ouest, d'Asie, soit de Sibérie ou soit de la région, disons, côtière de l'Asie de l'Est. Donc ça, s'il y a un consensus. La théorie de la French Connection, elle est très intéressante parce qu'elle fonctionne uniquement par un élément analogique. Il y a des pièces foliacées en solutré, il y a des pièces foliacées sur la côte ouest, donc A égale A, et voilà, donc solutréen égale amérindien. Non, là, je pense que cette théorie ne tient pas à la lumière des données archéologiques, tout simplement. Je veux dire, si on extrait un objet, c'est évident. Je veux dire, si on prend la télévision, on en trouve en Patagonie et on en trouve dans le nord de la France. C'est pas pour ça que les Patagoniens sont des Lillois ou des Picards. Voilà, donc je pense qu'il y a une erreur de raisonnement fondamentale à ce niveau-là. Mais pour l'instant, il y a un consensus sur l'Ouest. Ils viennent par le détroit de Bering. Maintenant, il y a trois hypothèses. Hein. Détroit de Bering, c'est quand? Est-ce qu'ils viennent? Et puis, la côte, l'intérieur des terres, tout ça, c'est des questions qui sont actuellement débattues. On semblerait se tourner vers une origine de cabotage. Parce que la grosse difficulté, c'est que dans ces périodes, aux alentours, à partir de 40 000 ans, disons globalement à partir de 70 000 ans, le niveau de la mer a baissé de moins 120 mètres. Donc la plupart des vestiges sont sous l'eau. Donc émettre des hypothèses actuellement, c'est difficile. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler de cette découverte tout à fait exceptionnelle, qui est à peu près datée de 13 000 ans, qui vient d'être faite dans le Yucatan, donc au Mexique. Des archéologues préhistoriens ont plongé pour voir ce qu'ils pouvaient trouver dans des abris sous roche, sous la mer. Voilà, c'est une nouvelle approche maintenant qui est de prendre en considération cet abaissement du niveau de la mer. Et donc effectivement, nos collègues mexicains ont fait de l'archéologie sous-marine et ils ont découvert tout un réseau de grottes qui s'échelonnent entre 9 mètres et 40 mètres. Et dans un de ces réseaux, donc ils sont allés assez profondément d'ailleurs, et ils ont découvert des sépultures, des corps qui étaient recouverts en partie par des pierres ou simplement les corps étaient délimités par des cercles de pierres. Et c'est assez fantastique parce que c'est la première fois qu'on a affaire à ce type de vestiges. Et ce qui montre bien que si l'eau, je veux dire, en tout cas baissait, et si ces vestiges étaient de nouveau mis au jour, on ne les trouverait plus parce qu'ils seraient détruits. Donc c'est vraiment le niveau de la mer qui nous a permis de les trouver, l'augmentation du niveau de la mer. Et ça veut dire que, bon, bah, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Et ça, c'est autre chose. Quelle date à peu près pour cette découverte du Yucatan? Alors, les squelettes ont été datés, disons globalement, il y a eu plusieurs dates, mais on va dire 12 000, entre 11 500 et 12 000 BP actuellement. Alors, il y a des suppositions pour que ce soit un peu plus vieux, mais disons qu'ils ont trouvé plusieurs. Donc, ça a été publié très rapidement, donc maintenant, il faut attendre des analyses génétiques, il faut attendre plus de datations, et puis il faut y retourner, parce que le problème maintenant, c'est qu'il faut y faire des fouilles, et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ils n'ont pas tenté la génétique ? La génétique, si, mais la génétique, c'est une approche un peu fashion. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va tout résoudre par la génétique. D'une part, il faut qu'il faudrait que les matériaux soient totalement conservés, ce qui est loin d'être souvent le cas. Et après, c'est pas parce qu'on a trouvé un élément que ça suppose que toute la population, tous les phénomènes migratoires dépendent de cet élément-là. Je veux dire, bon, on le verra, je pense, peut-être après, mais il y a eu plusieurs vagues migratoires, de toute façon. Donc, on sait que ça vient globalement de l'Est. En tout cas, il y a 80% de chances que ça vienne de l'Est. Maintenant, est-ce que ça vient plutôt de la Sibérie? Est-ce que ça vient plutôt de l'intérieur de la Chine? Ou ça vient plutôt d'un phénomène côtier? Bon, tout ça reste à déterminer. Et pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de notions précises sur un plan génétique pour dire, il y a aussi les groupes sanguins, les allogroupes, où il y en a un certain nombre d'hypothèses qui montrent que c'est pas si simple que ça, qu'apporter un élément de réponse unique en disant ils viennent de là à cette période-là, je veux dire, actuellement, c'est plus possible. Éric Boëda, nous voici vers 13 000 ans à peu près. Pour autant, il existe des sites bien, bien plus anciens, notamment Monteverde au Chili? Oui. Ça a été il y a il y a à peu près 25 ans. Il y a eu deux découvertes qui ont été concomitantes. Il y en a une qui a été sur la côte sud du Chili, donc à la limite nord de la Patagonie, et c'est le site de Monteverde par Tom Dillier. Et l'autre qui était le site de Bocaro da Pedra Furada par Niet Guidon. Les datations pour Monteverde étaient aux alentours de 14 000. Il y avait deux niveaux archéologiques, l'un de 14 000 et un autre de 33 000, bon, qui méritaient peut-être plus d'investigation. Et Boquerao, qui montrait une séquence chronologique, une séquence archéologique extrêmement développée, s'échelonnant entre 8 000 ans et 39 000, 40 000 ans. Et il faut imaginer qu'il y a 25 ans, c'était une déclaration de guerre. Alors, ce n'était pas que l'équipe française franco-brésilienne de Niet Guidon, parce que Tom était aussi américain. Mais ce n'était pas possible. C'était absolument pas possible. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on voit les arguments développés par Tom Dillies sur son site Monteverde, il avait tout fait. Tous les arguments étaient présents. Il y a 5 ans maintenant, je ne sais pas par quel miracle, c'est accepté. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'Amérique du Sud a été colonisée au moins il y a 15 000 ans parce que Monteverde est accepté. Il y a aussi Santa Elena dans le Mato Grosso et puis un site en Pennsylvanie, Midcroft. Alors, ça, c'est dans la même période, il y a eu la découverte sur la côte est, et c'est ça le problème, hein. C'est la côte est, des sites dont Mycroft, Cactus Hill, et qui ont donné des dates aux alentours de 17 000, disons globalement. Il y a plusieurs couches et plusieurs niveaux, mais disons, donnons 17 000. Ça n'a pas plus été accepté. Hein. Ça n'a pas plus été accepté. Et puis, en Amérique du Sud, au Brésil, il y avait parallèlement à Niet Guidon, il y a eu Agueda Vialou qui a trouvé le site de Santa Elina. Bien fouillé, je veux dire, tout y était. J'ai les datations, la stratigraphie, la faune. La mégafaune même. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à réduire. Donc, mais tout y était, absolument tout, sauf évidemment des Clovis. Voilà. Sauf la fameuse pointe de flèche. Voilà, l'objet qui se voit, l'objet qui, même si on n'y comprend rien, nous permet de dire qu'effectivement c'est taillé. Donc tous les arguments y étaient. Monteverde, c'était bon. Bocaro da Pedra Furada, tous les arguments y étaient. Santa Elina, tout y était. Mais Santa Elina, c'était 25 000. Donc là, voilà. Bon, Donc on est bien au-delà des 11, 12, 13 000 de la culture de ces pointes de Clovis. De fait, qui s'opposent? Deux courants, deux approches, deux idéologies et une aporie? Ouais, je dirais que c'est deux mondes de la recherche qui s'opposent. Et d'ailleurs, Daniel Lavallée l'avait très bien dit il y a une quinzaine d'années dans différents articles. C'est une pensée européenne qui est peut-être plus empirique, qui part des données et qui essaie de travailler sur la valeur de ces données en utilisant différentes méthodes. Et une méthode plus nord-américaine qui part de la modélisation et qui après va chercher les éléments éventuellement pour confirmer les modèles. Mais le problème, c'est pas le fait de procéder par modèle, c'est le problème, c'est quand ces modèles deviennent des paradigmes. Parce que là, ça bloque tout. Ça bloque absolument tout. Et maintenant, je dirais qu'il faut être optimiste. À force d'aller au contact de nos collègues nord-américains, de discuter avec eux, de les faire venir, de les mettre au contact de ces matériaux, ils reconnaissent que quand même, la position est difficilement soutenable. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. La lutte n'est-elle pas méthodologique, mais plutôt idéologique, une archéologie modélisante, forcément américaine, face à celle de l'observation de données donc bien plus naturalistes issues de l'Europe et notamment de la France? Oui, ça, l'école française au Brésil en particulier est très importante, même dans les régions andines. Il faut citer Annette Lamming-Emprère qui a créé cette école-là. Maintenant, on participe avec des collègues brésiliens qui ont leurs propres axes, mais disons, il y a une confrontation positive. La difficulté, c'est, mais je ferai un parallèle avec la médecine. Je veux dire, quand vous voyez quelqu'un, si vous êtes médecin et si vous pensez qu'il doit avoir cette maladie, vous êtes globalement sûr de la trouver, ou voire même si vous ne la trouvez pas, vous allez accuser le malade de ne pas être malade. Donc, c'est vrai qu'en France, on a l'avantage de procéder par sémiologie. J'utilise ce terme médical parce que je trouve qu'il est très, très fort et très, très important. On va rechercher les signes et on va partir donc de méthodes différentes. C'est une espèce d'investigation, d'enquête pour mettre en avant un certain nombre de signes, et après on va procéder par inférence. On va effectivement voir si à partir de ces signes on peut émettre telle hypothèse, ou en tout cas telle donnée fiable, et après on va chercher d'autres arguments pour étayer à partir de ces données fiables d'autres. Voilà. C'est un raisonnement qui est plus long, qui est moins, je dirais, moins fashion, pour utiliser un mot anglo-saxon, et qui nécessite peut-être une structure de recherche qui permette aux chercheurs de prendre leur temps, j'allais dire, de prendre le temps nécessaire à ces découvertes. Et là, je pense qu'on est vraiment dans deux modèles différents. Le fait que la recherche française soit une recherche, en tout cas en préhistoire, d'État, entre guillemets, parce que c'est des fonctionnaires, permettent de donner du temps, et tandis qu'aux États-Unis, par exemple, c'est surtout par des fondations. Et donc là, vous avez 3 ans. Donc vous êtes réduit. Vous devez pratiquement avoir les résultats avant de les avoir obtenus, quoi. La situation au sein de cette recherche était absolument totalement bloquée depuis les années 1990. Et c'est dans ces conditions, Éric Boïda, que vous repartez sur le terrain en 2008 ? Oui, on m'a demandé de refaire une expertise sur le site de Bocaro da Pedra Furada, expertise qui avait déjà été réalisée par de très nombreux collègues et qui s'était révélée globalement positive. En tout cas, tous les spécialistes des industries lithiques étaient convaincus de leur caractère anthropique. Donc moi-même, j'y suis retourné avec un collègue brésilien parce que je tenais vraiment à impliquer les collègues brésiliens. On s'est dit, c'est pas possible. Je veux dire, si ça, c'est pas taillé, je veux dire, alors à partir de là, il y a les 2/3 des collections de l'humanité qui ne le sont pas. Il faut être clair. À un moment donné, si c'est noir à droite, c'est noir à gauche. Donc, on a décidé de se relancer dans une maison de prospection, et en partant du principe qu'il fallait élargir effectivement la base de données et arrêter de discuter sur un seul site, et que si vraiment ils étaient là, on devait avoir une présence beaucoup plus attestée, beaucoup plus large. Votre site Vale da Preda Furada, c'est absolument très dur à dire pour quelqu'un qui n'a jamais fait de portugais, est un des sites qui est 10 000 ans plus vieux que tout le reste ? Oui, oui, c'est un site qui avait été découvert par une de nos collègues brésiliennes lors de sondages systématiques. Bon, l'importance du site n'avait pas forcément été réellement évaluée, mais on nous a demandé de le reprendre, en tout cas de refaire des sondages. Donc on a réouvert cette zone et ainsi d'autres zones. Et là, on est tombé sur une séquence stratigraphique absolument classique. Je veux dire, pour ceux qui connaissent par exemple le site de Pincevent, c'est la même chose. Je veux dire, c'est une succession de couches de crème fraîche, couches de chocolat. Voilà. Donc même en n'étant pas très fort en stratigraphie, on voit qu'il y a des choses différentes et tout est horizontal, bien positionné, et avec des objets et des foyers. Bon, voilà. Et ça a été daté entre 12 000 et 25 000. Et d'ailleurs, vous avez multiplié les datations, puisque vous avez fait bien sûr du radiocarbone, le carbone 14, mais aussi de la luminescence. Oui, on a... quand on a vu l'importance du site, on a fait des datations carbone 14, on les a multipliées évidemment, et on a daté aussi les sédiments par OSL, et on a aussi daté donc des objets qui avaient été chauffés par thermoluminescence. Donc actuellement, on doit avoir à peu près une trentaine de dates. Donc on est voilà. Bon, c'est clair, on est entre 25 et 12. Oui, la date principale, c'est 24 000 à voilà. Peu près. Hein. Oui, le maximum d'occupation est à... On a deux périodes. On a une période de 15-17 et une autre très forte de 20 à 24. Quel type d'objet avez-vous trouvé ? Alors là, c'est très simple. C'est des objets qui sont absolument classiques. Mais simplement, il faut se mettre dans l'état d'esprit où vous n'avez que des galets dans votre environnement, galets de quartz ou de quartzite. Et à partir de là, vous devez, en sachant que c'est des objets qui ont des micro-fissures, et donc si vous donnez trop de coups, tout va se briser. Donc vous avez un minimum de gestes à faire pour obtenir l'objet que vous recherchez, l'outil que vous recherchez, et pour pouvoir l'obtenir. Et donc, ils vont garder une partie du galet naturellement. C'est la partie qui est dans la main, c'est la partie qui va permettre le geste, qui va permettre de transmettre l'énergie. Et l'autre extrémité, vous avez des perçoirs, vous avez des racloirs, vous avez des denticulés. Bon, vous avez toutes sortes d'outils, vous allez voir un menuisier et vous allez voir, vous prenez tous les embouts de ces outils et vous allez les retrouver. Alors vous avez fait des recherches sur les traces, ce que l'on appelle la tracéologie, pour voir comment ces outils étaient utilisés, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est le professeur Ignacio Clemente du CSIC de Barcelone qui est un grand spécialiste des outils en quartz et quartzite parce que ce n'est pas facile de voir les traces. On a fait beaucoup d'expérimentations, il a fait beaucoup d'expérimentations et on a vu la part de l'ombre. Moi j'adore cette expression qui avait été développée par un collègue qui est qu'on a des travails du bois, travail des graminées, des matériaux ligneux, non ligneux, de la viande, de la peau, et puis de façon très répétitive. Et on se rend compte que le bois, le travail donc des matériaux ligneux, est très très important. Et c'est normal parce que on est en subtropical et dans des périodes plus humides, on est vraiment en subtropical humide. Et à partir de là, une partie des ustensiles sont faits, des outils sont faits en bois. Il suffit de voir les populations actuelles qui vivent en Amazonie. Je dirais, ils ont très peu d'objets contendants, que ce soit en matière minérale ou en fer. Et le reste du matériel est en bois. Donc ça, on l'a retrouvé. Voilà. Vous avez combien d'outils ? Vous les avez d'ailleurs montrés à des chercheurs américains ? Oui, lors de colloques, des chercheurs, pas qu'américains, argentins, péruviens, mexicains. Donc on profite à chaque colloque, on a, avec l'autorisation d'exportation du matériel, on a une dizaine de pièces et à ce moment-là, on leur dit, écoutez, ça provient du site de la Vallée de la Pedra. Je ne vous dis pas de quelle couche, mais pour vous, qu'est-ce que c'est ? Et les gens regardent, ils disent, ça c'est un denticulé, ça c'est pour gratter. Bon, voilà. Donc, et après, ils me disent, mais alors c'est quel âge ? J'ai dit, ça c'est 20 000 ans. Ah, et là j'ai eu deux réactions. J'en ai eu une de Tom qui m'a dit, ok, je jette l'éponge, c'est bon, je suis d'accord avec toi. Et puis j'avais une autre collègue argentine qui me dit, honnêtement, je suis entièrement d'accord pour dire que c'est taillé. Maintenant, quand tu me dis que ça a 20 000 ans, c'est vrai que j'ai un doute. Mais c'est pas scientifique, elle me dit. Et je lui dis, oui, voilà le problème. Je veux dire qu'on a tellement été formaté à dire que c'était impossible, c'est qu'on ne voit même plus l'évidence. Et l'évidence que l'on voit, on est même amené à la travestir. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est là où j'ai dit, attention, on n'est plus dans la recherche. On ne vous dit pas de temps en temps que ce sont des objets qui sont tout sauf de l'homme, des objets naturels, des géofacts ? Même pire, c'est même des objets qui sont fabriqués par les singes. Mais alors, je reviens sur les singes parce que... Les singes ont une culture. Bien sûr, mais... Tous les documents actuels montrent que les singes utilisent la pierre, mais ne la fracturent jamais pour en utiliser le tranchant. Donc je dirais que je renvoie mes interlocuteurs en disant, écoutez, effeuillez la littérature, vous verrez que c'est impossible. Et puis, alors évidemment, les cailloux qui volent, les cailloux qui sont fracturés, tout ça, c'est bien connu. Mais comme on n'est pas complètement stupide, on a fait beaucoup de recherches sur les fracturations naturelles dans différents milieux. Et je pense que d'ailleurs, on est une des rares équipes, on doit être deux équipes en France au monde à l'avoir fait. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une approche taphonomique, c'est un mot barbare. Et donc, on sait ce que fait la nature. Et la nature, elle ne fabrique pas d'outils. Elle fabrique des objets, éventuellement. Le mot fabriquer, je veux dire, est un mot qu'il faut prendre dans le sens le plus neutre du terme. Éric Boïda, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes préhistorien, professeur à l'Université de Paris 10 et à l'Institut universitaire de France et que nous évoquons au travers de vos recherches la conquête des Amériques par l'homme préhistorique. Nous en avions déjà parlé, mais pour vous, Éric Boïda, ces objets que vous retrouvés ont perdu leur mémoire vive ? Oui, totalement. Totalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça pose problème. C'est que plus personne ne sait à quoi ça correspond. Et comme ces objets sont faits aux dépens de galets, personne n'est capable de dire à quoi ça sert comme ça spontanément. Imaginez un martien qui débarque et qui est cul-de-jatte, qui lévite et qui tombe sur une machine à fabriquer des chaussures. Comment voulez-vous qu'il imagine qu'il a affaire à des chaussures et une machine à faire des chaussures ? Et c'est le même sujet, donc il faut qu'on se donne les moyens. Et souvent, le problème avec d'autres écoles de pensée, c'est qu'eux décrètent que dans la mesure où cette mémoire n'existe plus, elle est morte. Nous, on dit non, elle existe. Simplement, nous n'en avons pas les moyens, nous n'avons pas la connaissance. Mais à nous de développer les moyens, c'est comme une maladie. Je veux dire, on va chercher effectivement à découvrir les virus, à identifier les virus. Bon, c'est vrai, je fais souvent d'analogie par rapport à la médecine. Je suis médecin de formation. Alors, ça, c'est évident. Et que pour moi, je suis... Mais je veux dire, je ne comprends pas qu'on puisse pas... qu'on ne passe pas par les étapes du diagnostic, entre guillemets, avant, je dirais, d'arriver au résultat. En tout cas, que faut-il pour valider ces recherches auprès de la communauté scientifique, notamment américaine, quand on travaille en Amérique du Sud sur un tel sujet ? Je dirais que le principal, c'est de valider par la présence, le sérieux, et puis multiplier les découvertes, les sites, les datations, les analyses, parce que je me suis rendu compte que l'exemple de Monteverde était très intéressant. Tom avait tout trouvé, tout fait, je veux dire, pour montrer que c'était anthropique, et le paradigme était trop fort. Je dirais actuellement, c'est la même chose. Je veux dire, il y a des gens qui disent « je n'y crois pas ». Et I didn't believe. Non, ben le problème, justement, ce n'est pas un problème de croyance. C'est un problème de recherche. Donc, on doit partir des faits. Et les faits, s'ils sont là, on doit essayer de les expliquer. On doit effectivement éliminer les faux, le faux du vrai. Mais notre travail est d'aller rechercher cette vérité. Et moi, je dirais... Souvent, l'acceptation actuellement, je dirais, se fait naturellement, puisqu'on a, on a vraiment plus maintenant les mêmes critiques. Hein, je veux dire, c'est calmé. Mais si vous me dites, est-ce qu'on a réussi à démontrer scientifiquement, je dirais oui, mais on l'avait fait depuis une vingtaine d'années. Donc. En tout cas, 24 000 ans, ce n'est pas très vieux. Pourtant, Éric Boïda, nous savons que dans d'autres parties du monde, l'homme a acquis et même conquis des terres bien plus inaccessibles. Je pense forcément à l'Australie. Oui, on est à 50 000 ans. 50 000 ans, l'Australie. Donc, moi, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. Je pense que, bon, pour l'instant, il ne faut pas faire la course aux plus vieux. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les sites là où ils devraient être. Au Brésil, on a eu une stratégie qui était particulière. On s'est dit, allons chercher les sédiments pléistocènes qui sont susceptibles de rechercher, de contenir ces sites. Donc, on a fait un travail de géomorphologie avec un géologue, Michel Rass, et on a trouvé des sédiments. Et après, on a fait des sondages. Et on les a trouvés. La découverte, c'est le fruit du hasard, quelque part. Ben non. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais bon, quand vous faites, vous essayez de reconstituer la géomorphologie du terrain, bon, il y a des indices. Puis bon, ben voilà, on a fait 7 sondages, on a 7 sites. Faisons un peu de prospective. Peut-on trouver plus vieux, bien plus vieux, Éric Boïda ? Je n'en sais rien. Et je dirais que je vous le dirai si on a des indices, si d'autres collègues ont des indices ou des faits. À ce moment-là, je vous dirai peut-être. Je pense que si on revient sur le problème climatique, à partir de 70 000 ans, le niveau de la mer a baissé. Donc, moins 120 mètres. Donc, je ne dis pas qu'on y allait à pied, hein, parce que... Je veux dire, s'il y avait des glaces dans les Trente Bering, donc ce n'était pas forcément le chemin le plus facile. Mais à partir de là, il peut y avoir du canotage. Donc, tout est possible. Je dirais que tout est possible. Le vrai problème, c'est que c'est vrai qu'actuellement, les sites les plus vieux en Amérique du Nord ne sont pas à l'ouest, ils sont à l'est. Et les sites les plus vieux dans les deux continents américains, ils ne sont pas au nord, ils sont au sud. Donc, c'est sûr que c'est très gênant. Mais, je veux dire, c'est la réalité. Or, la réalité, soit effectivement, il y a le phénomène de pénétration par cabotage, et à ce moment-là, les sites sont sur la côte ouest, mais ils sont sous l'eau. Soit, effectivement, je veux dire, les phénomènes de périglaciaires ont été suffisamment trop importants et ont détruit une grande partie des vestiges en Amérique du Nord, parce qu'il faut quand même s'imaginer que pratiquement les deux tiers de l'Amérique du Nord étaient sous les glaces. Éric Boïda, merci beaucoup. La semaine prochaine, Yves Coppin sera notre invité. Aujourd'hui, l'archéologie manifeste entre ministère de la Recherche et ministère de la Culture, des archéologues dans la rue et vent debout contre une archéologie devenue marchande qui s'opère de plus en plus, un dumping économique au détriment de la recherche. Nous en reparlerons. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Emmanuel Morse, Duncan, attaché d'émission, Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du site de franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur inrap.fr.